You know, you know, you know, I walk all the way. Thank you. Je me suis suivie par elle. Só tá o pai? Alors change de rythme.